Nous sommes mardi le 1er novembre 2022, chers auditeurs, auditrices. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici le sommaire. Les élèves burundais se trouvant dans des camps de réfugiés ne feront plus des évaluations nationales. C'est une décision du ministère de l'Éducation nationale. Cela est ainsi au moment où les rapatriés souhaitent la réintégration scolaire de leurs enfants. À Rumonge, l'on vous parlera de la démission du président de l'équipe de football, les Crocos. Et vous en avez l'habitude, tous les mardis, vous avez droit à la chronique santé. Celle d'aujourd'hui est centrée sur le comportement adopté pour une personne atteinte de la dépression. Voilà pour l'essentiel. François Akimana assure la mise en onde. Moïse Misago sur la présentation. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais tantôt, les rapatriés burundais venant de la Tanzanie, passant par le site de transit de Guitara, en commune Mabanda de la province Makambu, nous sommes au sud du pays, crient à la réintégration scolaire immédiate de leurs enfants. Ces rapatriés disent que leurs enfants étaient sur le banc de l'école du côté de la Tanzanie. Ce cri d'alarme de plus de 400 récemment rentrés de la Tanzanie coïncide avec la visite du représentant mondial à Jodiacé et ce lundi à Guitara pour s'enquérir de l'état d'accueil des rapatriés burundais. Evariste Nzikonbanyanga et Makamba. Les Burundais récemment rapatriés et accueillis au site de transit de Guitara en commune Mabanda de la province Makamba sont au nombre de 403. Ils disent être contents d'avoir quitté la Tanzanie car ils faisaient face au calvaire, disaient-ils, malgré leur retour au pays natal, avec un paquet retour qui va leur permettre de vivre pendant 3 mois. Ces rapatriés disent qu'ils seront confrontés à de diverses difficultés. Ils demandent d'abord la réintégration scolaire immédiate de leurs enfants, arguant qu'ils étaient sur le banc de l'école de l'autre côté de la Tanzanie. Ils demandent aussi des abris décents, car les leurs ont été complètement détruits. Ces rapatriés, dont la plupart ont fui le pays en 2015, demandent qu'une fois arrivés chez eux, puissent être réintégrés dans des associations coopératives pour que leur réintégration sociale soit effective. Le directeur général rapatriement au ministère de l'Intérieur qui s'était rendu ce lundi à Guitara trouvait fondé les doléances de ces rapatriés. Nestor Bimenyimana indique cependant que le gouvernement en collaboration avec les partenaires ne ménageront aucun effort pour que ces rapatriés puissent se réintégrer dans la société. Le haut-commissaire adjoint du HCR au monde, Kelly Clement, en visite au Burundi, s'est rendu à Guitara ce lundi pour s'inquiéter de la situation d'accueil de ces rapatriés avant qu'ils soient embarqués en destination de leur province d'origine. Depuis Guitara, en commune Mabanda de la province Makamba, Evariste Ndikobanyanga, Radio Isanganiro. Merci Evariste Ndikobanyanga. Le ministère de l'Éducation nationale ne va plus donner des évaluations aux élèves se trouvant dans des camps de réfugiés comme en Tanzanie et ailleurs. Dans une conférence de presse animée ce lundi, le ministre François Habyarimana a fait appel à ses enfants à regagner le pays pour suivre le cours comme d'autres élèves. Désormais, le ministère ne va plus donner ces évaluations aux élèves qui sont dans les camps de réfugiés en Tanzanie. D'ailleurs, je dirais à peu d'élèves qui restent encore dans les camps de réfugiés en Tanzanie parce que pour le moment, le Burundi est paisible. Ils peuvent retourner au pays pour suivre la formation dans leur pays natal. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que quand vous voulez évaluer, vous ne pouvez pas évaluer si vous n'avez pas suivi comment la formation a été dispensée. Et notre ministère n'est pas à mesure d'aller suivre comment la formation se déroule dans ces camps de déplacés en Tanzanie. Et dans ces conditions, on ne peut donc pas donner une évaluation aux élèves qu'on n'a pas suivi. Vous risquez de dire que avant, pourquoi est-ce qu'on donnait le concours et l'examen d'état alors que même maintenant, que même plutôt à ce moment, ces élèves n'étaient pas suivis. Je dois vous dire que c'était en période de crise. Et en période de crise, on doit prendre des mesures qui sont liées à ces cas de force majeure. Mais maintenant, la raison qui a fait que le ministère a donné ces évaluations ne sont plus. Raison pour laquelle on ne voit pas maintenant l'intérêt de continuer à aller donner ces évaluations dans les camps de réfugiés, alors que maintenant, ils peuvent revenir et étudier tranquillement au Burundi. Deuxième chose, c'est que les élèves qui sont en Tanzanie ou même dans les autres pays, ils sont autorisés à suivre la formation dans le système éducatif de leur pays d'accueil. Et au retour au Burundi, on va leur donner l'équivalence des diplômes qu'ils vont amener. Et donc, j'estime qu'il n'y a aucun problème en ne donnant pas le concours national et l'examen d'État aux élèves qui sont dans les camps de réfugiés en Tanzanie, voire même ailleurs dans les autres pays. Le journal continue sur Isanganiro, des directeurs et enseignants qui ne travaillent pas convenablement ainsi que le manque d'enseignants à certaines écoles sont parmi les facteurs des échecs scolaires dans la province Bururi au niveau des évaluations externes. Cela a été évoqué ce lundi à Bururi au cours d'une réunion organisée par la direction provinciale de l'enseignement à l'intention des gestionnaires des écoles sous convention dénombrée autour de 60% d'écoles que compte cette province. Antoine Sabillon, directeur provincial de l'enseignement, appelle les gestionnaires de ces écoles à fournir plus d'efforts pour inverser la tendance. Après une courte pause, on continue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h03, poursuivons cette édition. Le président de l'équipe de football, les Croco FC de la province Lumonge, a démissionné de son poste depuis ce 31 octobre. Octobre 2022, à moins d'une année de sa nomination à ce poste. Dans sa lettre de démission adressée au gouverneur de la province, Lumonge Solendi, Bigirimana Ulimwengu explique être pris par des occupations familiales dont il ne peut pas passer et qui sont incontournables avec la présidente de cette équipe. Cependant, les informations obtenues de certains défenses de cette équipe de football indiquent que cette démission a été motivée par le non-appui financier de cette équipe. Toutes les dépenses étant couvertes par le seul président de l'équipe. Cette démission intervient après 8 mois d'exercice après une autre démission. Depuis lors, le cabinet du gouverneur de Lumonge n'a cessé d'appeler surtout les natifs à soutenir financièrement cette équipe, un appel qui n'a pas reçu de suite favorable. De Lumonge, rendons-nous à Cibitoke pour vous parler de la rouverture officielle ce mardi de la frontière de Rubenga entre le Burundi et la RDC sur la colline Malambode, en commune Rugombo de la province de Cibitoke. Les habitants de Rugombo se réjouissent de cette rouverture après 3 ans suite à la pandémie de COVID-19. Ils demandent la diminution des prix de frais payés pour le test COVID. De son côté, l'administrateur de Rugombo, Gilbert Manirakiza, précise que cette rouverture intervient pour faciliter les va-et-vient entre la population de Rugombo et celle de la RDC. Après une courte pause, c'est la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. Une personne doit adopter un mode de vie favorisant la santé mentale, comme se reposer suffisamment, et cela pour lutter contre les problèmes pouvant favoriser la dépression. La psychologue clinicienne Deborah Irakiza conseille la personne de chercher quelqu'un de confiance à qui confier ses problèmes. L'entourage peut également contribuer dans le même sens en témoignant de l'amour envers cette personne. Ornella Mucho. Une personne souffrant de la dépression chronique doit favoriser un mode de vie sain, comme pratiquer une activité physique modérée mais régulière ou adopter un rythme de sommeil assurant un bon repos pour améliorer sa santé mentale. La psychologue clinicienne Deborah Irakiza indique que c'est l'une des façons de préserver sa santé mentale, mais aussi de sortir de cette dépression. Généralement, on donne des conseils, comme par exemple bien manger, manger sainement, et bien se reposer, avoir des horaires fixes de repos afin de soulager le corps et l'esprit. Et aussi, on conseille à la personne de pratiquer du sport. Pratiquer du sport, pourquoi ? Parce que ça aide à éveiller le corps et à aussi donc, éveiller l'esprit aussi. Ça aide aussi dans la socialisation. Il faut également exprimer ses émotions pour trouver de l'aide. On conseille à la personne de parler aux gens, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses sentiments afin de ne pas toujours basculer dans le fait de stocker pour que vers la fin, les émotions sortent d'elles-mêmes. Donc il faut savoir s'exprimer, savoir socialiser, ne pas se retirer, ne pas être seul pour prévenir peut-être une rechute, par exemple. Toutefois, il faut se confier à une personne de confiance ou au spécialiste en la matière. Généralement, on conseille à la personne de parler à un ami, mais surtout à un ami de confiance. Donc cet ami-là, il faut que ce soit un ami qui peut garder ton secret. Si tu n'as pas cet ami-là, si tu n'as pas confiance en tes amis, tu peux consulter un psychologue. Parce que les psychologues, dans leur code d'éthique, c'est qu'on est vraiment très sensible au secret professionnel. Le soutien de l'entourage est aussi très nécessaire et important chez cette personne souffrant de la dépression. Alors, à l'entourage du patient, il est vraiment nécessaire que vous témoignez de l'amour envers le patient et que vous témoignez aussi de l'intérêt, que la personne se sente importante, que la personne se sente aimée et que la personne se sente... L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que les maladies mentales se classent au troisième rang des maladies en termes de prévalence après les cancers et les maladies cardiovasculaire. Merci Ornella Mucho et à la psychologue clinicienne Deborah Irakita. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Au revoir.